Hamlet. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir, peut-être rêver. Oui, là est l'embarras, car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et les rébuffades que le mépris résigné reçoit d'hommes indignes, s'il pouvait en être quitte avec un simple poinçon? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner, suer, sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d'où nul voyageur ne revient, de troubler la volonté, et nous le faisait supporter les maux que nous avons, par peur de nous lancer dans ce que nous ne connaissons pas? Ainsi, la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi, les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi, les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action. Doucement maintenant, voici la belle Ophélia. Nymphe, dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés. Mon bon Seigneur, comment s'est porté votre honneur tous ces jours passés? Je vous remercie humblement, bien, bien, bien. Mon Seigneur, j'ai de vous des souvenirs que depuis longtemps, il me tarde de vous rendre. Recevez-les donc maintenant, je vous prie. Moi? Non pas. Je ne vous ai jamais rien donné. Mon honoré Seigneur, vous savez très bien que si. Les paroles qui les accompagnaient étaient faites d'un souffle si embaumé qu'ils en étaient plus riches. Puisqu'ils ont perdu leur parfum, reprenez-les. Car, pour un noble cœur, le plus riche don devient pauvre quand celui qui donne n'aime plus. Tenez, Monseigneur. Ah ah, vous êtes vertueuse, Monseigneur, et vous êtes belle. Que veut dire votre Seigneurie? Que si vous êtes vertueuse et belle, vous ne devez pas permettre de relation entre votre vertu et votre beauté. La beauté, Monseigneur, peut-elle avoir une meilleure compagne que la vertu? Oui, ma foi, car la beauté aura le pouvoir de faire de la vertu une maquerelle, avant que la vertu ait la force de transformer la beauté à son image. Ce fut jadis un paradoxe, mais le temps a prouvé que c'est une vérité. Je vous ai aimé, jadis. Vous l'avez fait croire, en effet, Monseigneur. Vous n'auriez pas dû me croire, car la vertu a beau être greffée à une vieille souche, celle-ci sent toujours son terroir. Je ne vous aimais pas. Je n'en ai été que plus trompé. Va-t'en dans un couvent. À quoi bon te faire nourrice de pécheurs? Je suis moi-même passablement vertueux. Et pourtant, je pourrais m'accuser de telles choses que mieux vaudrait que ma mère ne m'eût pas enfanté. Je suis fort vaniteux, vindicatif, ambitieux. D'un signe, je puis évoquer plus de méfaits que je n'ai de pensée pour les méditer, d'imagination pour leur donner forme, de temps pour les accomplir. À quoi sert-il que des gaillards comme moi rampent entre le ciel et la terre? Nous sommes tous des gueux fieffés. Ne te fie à aucun de nous. Va tout droit dans un couvent. Où est votre père? Chez lui, Monseigneur. Qu'on ferme les portes sur lui, pour qu'il ne joue pas le rôle de niais ailleurs que dans sa propre maison. Adieu. Ophélia part. Oh, secourez-le, vous, cieux Clément. Hamlet, si tu te maries, je te donnerai pour dot cette vérité empoisonnée. Sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige, tu n'échapperas pas à la calomnie. Va-t'en dans un couvent. Adieu. Oh, si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile, car les hommes sensés savent trop bien quel monstre vous faites d'eux. Au couvent, allons, et vite, adieu. Ophélia à part. Puissance céleste, guérissez-le. Hamlet. J'ai entendu un peu parler aussi de vos peintures. Dieu vous a donné un visage, et vous en faites un autre vous-même. Vous sautillez, vous trottinez, vous essayez, vous affublez de sobriquets les créatures de Dieu, et vous mettez au compte de l'ignorance votre impudicité. Allez, je ne veux plus de cela. Cela m'a rendu fou. Je le déclare, nous n'aurons plus de mariage. Ceux qui sont mariés déjà vivront tous, excepté un. Les autres resteront comme ils sont. Au couvent, allez. Hamlet sort. Ophélia. Oh, que voilà un noble esprit bouleversé. L'œil du courtisan, la langue du savant, l'épée du soldat. L'espérance, la rose de ce bel empire, le miroir du bon ton, le moule de l'élégance, l'observé de tous les observateurs. Perdu, tout à fait perdu. Et moi, de toutes les femmes, la plus accablée, la plus misérable, moi qui ai sucé le miel de ses vœux mélodieux, voir maintenant cette noble et souveraine raison faussée et criarde comme une cloche fêlée. Voir la forme et la beauté incomparables de cette jeunesse en fleurs, flétrie par la démence. Oh, malheur à moi! Avoir vu ce que j'ai vu et voir ce que je vois.